les artistes de la troupe artistique Wang Zhisen qui ont encouragé notre peuple à accomplir des hauts faits dans tous les chefs-lieux de province et des chantiers importants de l'édification d'une puissance économique sont arrivés à Pyongyang. La première représentation a eu lieu le 25 au Grand Théâtre de Pyongyang-Est devant les stadins.